Chapitre 4. Nous traversâmes Saint-Nazaire dans toute sa longueur, peu soucieux des travaux qu'on exécutait pour établir un pont flottant que cependant on nous avait recommandé de visiter. Après avoir suivi pendant quelques instants une grève chauffée au soleil et pénible aux pieds, nous tournons à droite et nous nous engageons dans un chemin moitié sable et moitié caillou. De hautes haies nous accompagnent des deux côtés. Les fleurs blanches et jaunes des genêts, des ajoncs et des aubépines répandent un chaud parfum autour de nous. Çà et là, quelques fermes isolées et entourées d'ormeaux coupent la monotonie du paysage et donnent un peu de vie à la morne campagne où nous marchons. Nous laissons, au bord de la mer, et sans aller les voir, les tours du commerce et d'aiguillons qui s'allument chaque nuit et servent de phare aux navires qui entrent en Loire. La route est inégale. Le terrain monte et descend à chaque pas. Parfois, nous voyons la mer luire au loin dans sa bordure de nuages et de rochers, et parfois notre horizon s'arrête à un monticule où quelques brebis noires broutent les maigres herbes cachées sous les genêts. Enfin, le chemin s'aplatit et s'incline vers la mer. Nous passâmes à travers le pauvre hameau de Saint-Sébastien et par un chemin creux qui s'allonge tristement entre de hauts talus couverts de haies, nous gagnâmes la bourgade de Pornichet. Nous franchissons un ruisseau sur deux planches vieilles et flexibles, posées à chaque rive, dans un amas de cailloux qui sert de pilier. J'aime ces ponts improvisés qui touchent presque l'eau, qui plient, se balancent, se creusent au milieu et rebondissent sous le pied qui les traverse. Au-delà d'une petite colline de sable que nous gravissons, c'est la baie de Pouliguen. Elle s'arrondit sur un espace de 3 lieues, portant Pornichet à une extrémité, et Pouliguen à l'autre. Du côté de la terre, elle s'appuie à des dunes parsemées de joncs rabougris. Vers la mer, elle bouillonne sur quelques grosses roches noires et va rejoindre le ciel. Des femmes arrachaient le sombre varech, fouillaient la pierre pour trouver des crabes et portaient sur leur tête des paniers d'où l'herbe marine pendait en lianes brillantes. Un homme coiffé d'un vaste chapeau noir, vêtu d'une blouse blanche, marchait entre deux femmes, chassant devant lui une maigre jument qui pliait sous le poids de 3 ou 4 sacs de sel. Quelques mouettes, aux pattes rouges, battaient l'air au-dessus de nous, et dans le ciel nuageux, la mer avait des teintes vertes, uniformes et profondes. Nous allons côte à côte, mouillant nos pieds dans les petites vagues qui écument sur le rivage, muets tous deux, respirant les rares parfums des goémons, n'écoutant que la voix de l'océan et le bruit régulier de nos pas qui craquaient dans le sable en écrasant les coquillages. Un nuage crève quelque part et le vent nous fouaille sa pluie à la figure. Les quelques maisons de Pouliguen s'alignent régulièrement sur un quai en pierre au bas duquel se balancent une demi-douzaine de gros bateaux chargés de sel. Nous traversons le port dans un bac, un vrai bac, plat, carré, et qui se dirige avec un câble. Nous nous arrêtons pour attendre la fin de la pluie et au bout d'une heure environ, nous reprenons notre route. Elle nous fit quitter le bord de la mer et nous conduisit à travers un paysage sec, sablonneux, triste et dénudé. On sent le pays de paludiers. Les marais salins sont là. Ils remplacent tout, les champs, les prés. Une eau saumâtre se ride sous le vent entre 4 petits talus soigneusement disposés. Rien n'est laid. Bêtes comme ces mares factices, nettoyées chaque matin, dépouillées de leurs herbes et condamnées à une pauvreté perpétuelle. L'œuvre de l'homme est toujours laide, souvent absurde, tandis que celle de la nature n'est jamais que splendide. Elle nous donne de grandes plaines vertes, de beaux fleuves murmurants, de hautes forêts impénétrables, des rochers monstrueux et superbes. Nous coupons les plaines en 1000 morceaux disparates, nous détournons les fleuves pour faire tourner nos moulins, nous défrichons les forêts pour y semer l'avoine, et nous égrenons les roches pour en faire nos rues. Heureusement encore que le ciel est hors de notre portée. Dans une maison de bas, nous vîmes pour la première fois un lit du pays énorme et qu'il est difficile de se figurer. Quand une maison est terminée et que le propriétaire veut la meubler, il choisit une place pour son lit. Quand l'endroit a été définitivement arrêté, il y fait mettre une couche de fagots haute d'environ 7 pieds. Sur la surface, aplanie autant que possible, on hisse une paillasse, 2 matelas et un lit de plumes. Puis on dispose le traversin et les oreillers. Quand toute la construction en est arrivée à ce point, on fait entourer le tout, fagots, matelas et paillasses, d'une charpente de bois qui monte jusqu'au plafond et ne laisse qu'une ouverture large à peine comme un tiroir de commode. C'est par là qu'on se glisse, si l'on peut. Je ne sais si l'on dort dans ces hautes machines, mais ce que je crois, c'est qu'il est impossible d'en tomber, car on est aplati et serré entre le dernier matelas et le plafond. Au reste, c'est presque un peuple à part que les habitants de Bath. Ils ont leurs habitudes et leurs costumes à eux. Nous y passâmes comme on venait de célébrer un mariage, et nous pûmes voir quelques garçons de noces oscillant à travers les rues, sous le souvenir des bombances du matin, portant la culotte courte, en cotonnade blanche, large, à grands plis, frisée sur les genoux, trois gilets carrés de différentes couleurs, et agencés de façon à laisser voir leurs bordures et leurs boutons de cuivre, et par-dessus tout cela, une veste de drap gros bleu, d'une certaine élégance. Leurs jambes chaussées de bas blancs se terminent par des souliers en peau jaunâtre, et leur tête s'abrite sous une coiffure d'une description difficile. C'est un chapeau arrondi, à rebords flexibles et démesurés. Une de ses ailes s'étend dans toute sa largeur, tandis que l'autre se relève et se rattache par des lacets à la forme elle-même, qui s'entoure de rubans de soie et de chenilles en velours de toutes couleurs. Cette sorte de corne se place de différentes manières selon la condition des individus. Un garçon la porte sur le côté, un mari par derrière, un homme par devant. Cette coiffure est toute locale, on ne la trouve que là. Plus loin, elle est modifiée ou inconnue. Elle appartient sans conteste au paludier du bourg de Bath, et j'ignore si Aristote en parle dans son chapitre des chapeaux. À part cela, il n'y a de curieux à voir à Bath qu'une vieille chapelle ruinée qui étale ses débris auprès d'une église, dont le clocher de granit monte le plus haut qu'il peut et sert de guide aux navires qui marchent en vue des côtes. Notre arrivée avait excité une manière d'émeute. Les enfants couraient derrière nous, riant et criant. Une petite fille nous pria de lui montrer ce que nous vendions. Quelques grands paysans nous regardaient avec des yeux ébahis. Aussi, pendant qu'on était allé chercher les clés de la chapelle chez monsieur le curé, et que nous regardions attentivement un portail unique, élancé, fin, gracieux et fouillé de fines sculptures qui se tordaient le long des portes comme de gros ceps de vigne, nous étions cernés, entourés, examinés et commentés tout vif. Les clés arrivèrent enfin, et nous pénétrâmes dans une vaste salle qui jadis était église et qui maintenant n'est plus qu'une sorte de champ inculte où les chardons poussent plano sub jove. Les quatre murailles seules sont restées avec les hauts pignons qui soutenaient les toitures absentes. La place de l'autel se distingue encore. Dans un coin, un tombereau ouvre ses mâchoires vides, à moitié comblées de cailloux. Des colonnettes souvent brisées se collent au mur et reçoivent la retombée des arcs qui n'existent plus. Deux grandes fenêtres ogivales coupées de trilobes et de croisillons, dont les vitraux sont partis, sont taillés dans les murailles, et à côté de chaque porte, le bénitier arrondit sa coupelle où sont venues germer des graines voyageuses. C'était autrefois la chapelle d'un prieuré de Notre-Dame, fondée, dit-on, par Alain Barbe-Torte. Ce fait est plus que douteux. L'architecture seule lui donne un démenti. Au temps d'Alain Barbe-Torte, surtout en Anjou et en Bretagne, le byzantin était en pleine floraison, et le style de l'église qu'on lui attribue est purement ogival et de la meilleure époque. Au reste, qu'importe, toute la ruine est d'une puissante couleur grise. Au-dessus de nous couraient de grands nuages sombres, bordés de blanc, et, derrière les murs ébréchés, nous entendions les frais éclats de rire des enfants rassemblés. Tout cela était harmonique et nous plaisait. Et puis, la vue d'une ruine nous attendrit toujours. On est acharné contre elle maintenant. On les utilise sans relâche. On y met vite la pioche et le marteau. On leur prend leurs pierres noircies, leurs madriers troués de verre, leurs ferrailles rongées de rouille, et on élève à leur place de jolies petites maisons blanches à girouettes découpées. Aussi, nous recherchons les pauvres débris qu'on a daigné nous laisser. Nous nous prenons d'amour pour eux et nous envions la vie des lézards qui gîtent à leur ombre. Lorsque nous arrivâmes à Croisic, Après une course de 8 lieues, nous étions fort pressés de dîner et de dormir, mais nous eûmes assez de force encore pour admirer l'ampleur fantastique de notre hôtesse, énorme femme qui se répandait et débordait autour d'elle comme un vase trop plein. Sa gorge abondante flottait sur son ventre mal contenu dans une ceinture trop étroite, et 5 ou 6 mentons plissés et suant la graisse ondulaient jusque sur sa poitrine. Assise sur une chaise qui craquait sous son poids, elle surveillait la marmite et donnait des ordres à une toute gentille servante de 15 ou 16 ans, fraîche, vive, alerte et pétillante. Ses yeux noirs, sa peau rosée, ses cheveux bruns s'encadraient bien dans un bonnet de forme égyptienne propre aux habitants de quelques villages voisins de Croisic. Les cheveux disposés en un bourrelet épais, entourés de mousseline et de cordelets de ruban pâle, saignent la tête un peu au-dessus du front et se recouvrent d'une façon de bonnet blanc arrondi dont les barbes longues et étroites retombent jusque sur les seins. Ainsi coiffée, Mademoiselle Charlotte avait une tournure fort agaçante et qui, je crois, inspirait au maître de l'hôtel de tristes réflexions quand il pensait à sa grosse femme. Aussi, lorsque nous entrâmes dans la salle à manger, nous interrompîmes une leçon de langue française qu'il donnait à la jeune paysanne et qu'elle semblait écouter attentivement. Le quai de Croisic est fort ordinaire. Il côtoie un canal où s'abritent quelques chasse-marées. Il passe sous des arbres brûlés par le vent et conduit à une longue jetée qui marche dans la mer pendant environ un quart de lieue, avec des pieds en pierre de taille verdis par les varechs. La mer avait un aspect doux et attirant. À notre droite, elle blanchissait au loin sur les grèves jaunes. D'un côté, elle se brisait à des rochers. En face, elle allait si loin qu'elle se perdait à l'horizon. En nous retournant, nous avons devant les yeux le panorama de la ville, les hauts clochers de son église et quelques débris des fortifications qu'Alain Bouchard éleva en 1355, lorsqu'il tenait Croisic pour Jean de Montfort contre Jeanne la Boiteuse qui guerroyait durement pendant que son mari était prisonnier du roi Édouard. L'intérieur est tout en granit, et chacune des pierres noires est jointe à sa voisine par une raie de plâtre blanc, ce qui donne à toute la nef un aspect papillonnant et désagréable. Sous le chapiteau d'une colonne qui accompagne un autel latéral, brille et reluit un grotesque bonhomme en bois portant lance, casque et bouclier doré, oppressé d'une cuirasse bleue, chaussé de sandales rouges, ombragé d'un plumet vert et garni d'une jupe blanche à fils écarlates. Cette caricature sérieuse se nomme Saint-Julien l'Hospitalier. Des sables, des 3 sentiers creusés parmi les palus, ainsi que disent les gens du pays, nous conduisirent sur la route de Guérande jusqu'à une colline au sommet de laquelle s'épanouit un bois de sapin où paissaient des moutons noirs. Là, nous fîmes halte quelques minutes, dominant le paysage et regardant autour de nous. Toute la baie de Croisic et la grande mer s'étendent devant les grandes dunes de sable qui portent Bas et Croisic. Ces deux bourgs se massent en gris dans les vapeurs du lointain avec les tours carrées de leurs clochers. Plus près, les terrains se découpent en 1000 flaques d'eau mortes et brillantes comme de l'acier bruni. Ce sont les marais salins. De près, ils sont affreux. De loin, ils sont beaux et font bien leur partie dans l'harmonie générale. Et n'en est-il pas ainsi de tout? Depuis le paysage qui nous attire à l'horizon jusqu'à l'amour qui nous sollicite et nous convie, nous marchons avec courage, nous sautons les fossés, nous franchissons les obstacles, l'espoir nous soutient, le désir nous enivre, nous arrivons épuisés et nous trouvons des arbres rabougris, des ronces déchirantes et les longues lassitudes que nous n'avions pas prévues. Puis, quand frappés de surprise, nous reculons jusqu'à notre point de départ, nous nous arrêtons, étonnés de voir le paysage verdir au soleil et l'amour nous paraître plein d'enivrement et de douces attractions. Alors, nous oublions notre déboire, et nous sommes si enfants que nous retournons encore avec foi vers la désillusion. Une mare où quelques femmes battent du linge salue notre passage du cri de toutes ces grenouilles, et ce fut au bruit de leurs chansons que nous entrâmes à Guérande, par une vieille porte ogivale convenablement ouverte entre 2 tourelles qui plongent leurs pieds dans l'eau. Nous visitâmes d'abord l'église, qui est de la fin du XIVe siècle. un porche élevé en ogive, découpé en contracture et garni de bancs de pierre, s'avance devant la porte principale. Trois nefs occupent l'intérieur où des vitraux, à demi brisés mais encore remarquables, répandent un jour assombri et nuancé de teintes bleuâtres. Parmi les chapiteaux qui couronnent les gerbes de colonnades réunies aux piliers, trois sont curieux par des détails d'une fantaisie toute Moyen-Âge. Certes, l'artiste qui a taillé tant bien que mal dans le grain du granit ces sculptures grossières était une de ces âmes naïves et croyantes qui redoutaient le diable et qui, dans leurs rêves, voyaient sans cesse son pied fourchu, sentaient son odeur de soufre et entendaient son rire saccadé quand il secouait et faisait trembler leur lit. C'était là sa belle époque, à ce pauvre diable, dont, depuis, on a tant abusé, qu'on a utilisé de toute manière, qu'on a vêtu de tant de livrées, qu'on a bon gré mal gré incarcéré dans tant de romans, drames et nouvelles, mystères et autres torche-culs, comme dirait Jean-Jacques. Maintenant, nous l'aimons, nous l'encensons, nous le cultivons de toute la terreur que jadis il inspirait à nos pères. Maintenant, il ne se bat plus qu'avec Polichinelle. Il s'appelle Croque-Mitaine et fait peur aux enfants, et nous poussons la familiarité jusqu'à l'enfermer dans des tabatières à ressorts. Au reste, et quoi qu'il en soit de sa destinée actuelle, il est dignement représenté sur les chapiteaux de l'église de Guérande. C'est bien lui, avec ses cornes démesurées, sa queue tortillante et ses dents effroyables. Là, aidé d'un de ses acolytes, il scie un malheureux pêcheur qui tourne sur une roue. Ici, il en écrase un autre à coups de pierre, pendant que quelques satans de grade inférieur dansent de joie aux contorsions du lapidé. Plus loin, il passe sa face ricaneuse entre des feuillages inconnus. Il roule des yeux furieux et dévore à belle mâchoire deux bons hommes qui disparaissent dans les profondeurs de sa gueule béante. Sur un autre chapiteau, il semble présider une réunion de démons qui sautent et cabriolent en se tenant par la main. Tandis qu'il est assis, impassible, portant sa fourche comme un sceptre et roulant négligemment sa queue entre ses doigts. Sur la troisième colonne, il attise le feu sous une marmite où cuit une femme. Le dernier bas-relief est d'un détail recherché. Un homme, les mains en croix, est étendu par terre, traversé d'une longue épée enfoncée jusqu'à la garde. Le sang coule à flot de sa blessure, il se débat, et pour le maintenir, un des démons s'est accroupi sur son bras gauche et rassure l'épée de ses 10 griffes recourbées. Le diable est debout auprès du patient, le flagelle avec une poignée de cordes à nœuds en se tordant à force de rire. On accordait l'orgue de l'église. Des notes aiguës miaulaient avec une déplorable persévérance et semblaient l'accompagnement des immobiles et terribles pantomimes qui se jouaient sur les chapiteaux. Nous sortîmes et nous allâmes examiner l'extérieur. Partout, de la belle ogive, sobre et bien ornée. Autrefois, un clocher surmontait l'église. Un jour, la foudre l'a jeté en bas, en passant par là. Un monsieur architecte, dont nous ignorons le nom et qui a été Grand Prix de Rome, a inventé pour le remplacer une sorte de guérite en bois et en zinc, dont la sottise est si grande que bientôt, sans doute, elle attirera la colère du ciel. La façade principale porte à ses flancs une chaire extérieure en pierre accrochée à un des contreforts qui monte jusqu'au pinacle qui les couronne. Elle est pentagone, feuillée de belles feuilles de chardon, fleuronnée dans toute l'étendue de sa corniche et terminée en cul-de-lampe. Elle correspondait à l'intérieur par un escalier. C'est de là qu'on prêchait le peuple dans les grandes circonstances. Au mur de cette façade s'ouvrait autrefois une rosace, enlacée de trilobes et de rinceaux, ainsi qu'on savait les faire dans ce bon temps où la pierre devenait dentelle, comme maintenant elle devient moellon, mais on l'a bouchée, maçonnée, afin de donner un solide appui au buffet d'orgue qui ressort dans la nef avec sa boiserie de chêne et ses tuyaux de plomb. Au-dessus se déchiffre à grand-peine une inscription effacée. Elle était ainsi conçue et reproduisait un décret de la Convention. Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Guérande n'est plus maintenant qu'une petite ville, ornée de jolies filles coiffées de hauts bonnets. Autrefois, dans les guerres de Bretagne, elle joua un rôle important que sans doute elle a bien oublié. En 1342 d'abord, Louis d'Espagne, combattant pour Charles de Blois, prit la ville et la mit à sac. On y viola et on y pilla, comme en terre de mécréants. Puis le 11 avril 1365, 8 mois après que la bataille d'Auray eut mis fin à la lutte des prétendants, il se signa à Guérande un traité qui reconnaît Jean de Montfort comme duc souverain de Bretagne et qui stipule que tant qu'il existera des descendants mâles de la ligne de Bretagne, les filles ne succéderont pas au trône ducal. La comtesse Jeanne de Blois conservait son duché héréditaire de Penthièvre et comme indemnité obtenait la vicomté de Limoges et autres terres. Mais ses fils n'en restaient pas moins prisonniers à Londres. Plus tard, le 4 avril 1381, le duc Jean V l'entourait d'une ceinture de fortifications qui existe encore et que nous allâmes visiter. Elles ne sont plus formidables ni guerrières, et leur aspect est doux, gras et indolent. C'est que le temps est passé par là. Il a effacé toutes les disparates sous ses teintes harmonieuses. Il a semé entre les pierres les plantes vivaces que la nature lui a prêtées, et qui cachent de leurs grappes vertes les embrasures des artilleries et les créneaux édentés. Les douves profondes et infranchissables, autrefois, ne sont plus que de paisibles étangs où boivent les oiseaux, où le vent agite les joncs, où s'épanouissent mille herbes fraîches qui vivent heureuses dans leur belle retraite humide. Çà et là, les murailles rebondissent en tours ventrues couronnées de mâchicoulis dont les parapets ruinés ou disparus laissent apparaître la cime des arbres des jardins intérieurs. Un petit coin surtout nous arrêta par ses émanations tendres et adoucies. Le rempart s'étendait entre deux tourelles où la lumière projetait de grandes ombres violettes. À ses pieds avaient poussé 4 ou 5 peupliers et quelques buissons de ronces feuillus et arrondis. À ses flancs, des nappes de lierre s'étaient cramponnées, tandis que des giroflées jaunes fleurissaient sur la console des mâchicoulis renversés. Des lentilles d'eau couvraient le fossé d'un tapis vert uniforme et plat. Sur les bords, des herbes fines foisonnaient et remontaient jusqu'à une fraîche allée de marronniers et de tilleuls. C'est là, et non ailleurs, quand le soir est venu, que les amoureux de Guérande doivent se promener, en se tenant par la taille, en se serrant les mains, en s'absorbant dans leurs regards. Certains lieux, certaines choses, comportent ainsi un genre d'idée qui leur est propre et inséparable. Dans Saint-Pierre de Rome, on songe à Luther. La vue d'un tigre vous transporte sur les bords du Gange, quand le soleil se couche et que les hippopotames viennent boire en écrasant les bambous sous leurs pieds. Le mariage fait penser à la mort, et les œuvres de M. Villemain font penser à dormir. En continuant notre lente promenade autour des murailles, nous arrivâmes à une place où s'agitaient pêle-mêle des paysans, des paysannes, des bœufs, des chevaux, des marchands et des chiens. C'était jour de foire à Guérande, et les bœufs pensifs accouplés deux à deux semblaient ahuris par le brouhaha qui s'élevait autour d'eux. Nous traversâmes tant bien que mal la cohue rassemblée, et nous parvîmes jusqu'à une cabane en tôle dans laquelle un homme battait du tambour et montrait un grand tableau. L'homme était un gars de 35 ans environ, carré des épaules, vigoureux, portant sur son cou musculeux une tête intelligente à dents blanches, à cheveux crépus. Il parlait avec une vivacité toute méridionale. Le tableau était une grande pancarte qui représentait une vache rouge et un mouton blanc, porteurs de bras humains sur le milieu du corps. Autour d'eux s'extasiaient des dames en chapeau jaune, des militaires à épaulettes d'or et des messieurs en habits bleus. L'homme invitait tout le monde à voir ces deux jeunes phénomènes pour la bagatelle de 2 sous. Nous entrâmes, espérant une déception, elle ne vint pas, et nous vîmes ce qui nous avait été promis, c'est-à-dire le mouton et la vache embarrassés sur les reins d'un appendice ayant à peu près forme de bras. Nous comptions nous convaincre d'un gros mensonge et nous eûmes le regret de n'avoir à constater que la vérité. Nous en fûmes étonnés et même choqués, tant il est vrai qu'on n'aime pas être trompé, même aux dépens de la vérité. Le lendemain de cette journée si bien occupée à regarder les murailles de Guérande et les chapiteaux de son église, nous partîmes de grand matin, car nous avions longue route à faire pour trouver notre gîte. Les grenouilles chantaient encore quand nous passâmes auprès d'elles. Le vent était frais et le ciel d'un bleu pâle se couvrait de nuages blancs éparpillés comme des crinières. Le chemin traversait une campagne unie, sans végétation, étachée parfois d'un amas de maisons grises groupées autour d'un clocher pointu. Allant ainsi sans rien voir à nos côtés, nous arrivâmes à Piriac, qui est une petite bourgade couchée au bord de la mer. Des pêcheurs l'habitent, et cependant nous n'aperçûmes pas un seul filet séchant aux murailles le long desquelles le sable amassé monte en comblant les rues. Pendant qu'on préparait notre déjeuner dans le bouge infect où nous étions descendus, nous allâmes faire une visite au maire pour lequel nous avions une lettre de recommandation. Il est difficile de voir quelque chose de plus sale et de plus crasseux que ce monsieur qui, cependant, jouit, dit-on, de 15 000 livres de rente. Ses pieds marchaient dans des chaussons de Strasbourg, effilés et troués. Il s'enveloppait dans une robe de chambre bleue dont les teintes douteuses disparaissaient sous les couches successives d'une crasse épaisse et luisante, et je ne sais ce qu'il y avait de plus huileux de la casquette qu'il souleva pour nous saluer ou de la tête qu'il mit à nu. Cet être dégoûtant nous introduisit dans une façon de cabinet qui servait en même temps de bibliothèque. Les rayons pliaient sous le faîte de la collection du Moniteur et d'Emmanuel Roret. Après qu'il nous eut assez mal donné 2 ou 3 renseignements que nous étions venus lui demander, il nous fit monter à l'étage supérieur de sa maison et regarder le pays à l'aide d'un télescope qu'il eut grand soin d'essayer et de frotter avec une flanelle. Une brume assez épaisse obscurcit l'horizon et nous distinguons à peine l'île Dumay, perdue au milieu de la mer derrière un rideau de brouillard. Nous quittons vite la tanière de cette bête puante. Nous dévorons rapidement un triste déjeuner composé d'œufs et de veau. Oh, le veau! Axiome. Le veau est au filet de bœuf ce que Sainte-Beuve est à Victor Hugo. Nous traversons la grève où quelques bateaux sans mât ni voilure sont pâmés sur le flanc et nous montons à bord du canot qui doit nous conduire à l'île Dumay. On hisse la misaine, le patron se place à la barre et nous partons. Le ciel était gris de nuages, quelques gouttes de pluie tombaient. Le vent fraîchissait, la mer onduleuse jaillissait sur nous en nappes d'écume. Quand la quille de notre barque heurtait la vague en passant, notre embarcation penchait sous le poids de sa voile gonflée. Le patron était un vieux matelot qui ne parlait pas, ne quittait pas la manœuvre des yeux. Vêtu d'une veste tatouée de 1000 morceaux différents, il fait bonne figure avec son bonnet de laine brune et sa barbe mélangée de poils blancs et roux. On devinait à le voir qu'avant d'arriver à ces courtes et faciles navigations de la pêche quotidienne, il avait dû rouler son existence sur bien des mers et dans bien des soleils, mais il ne nous dit rien de sa vie passée. Seulement, comme nous parlions du blocus continental, il fit claquer sa langue en signe d'admiration d'un bon temps qui ne reviendrait plus. Nous arrivâmes à l'île Dumay, trempés par les coups de mer et refroidis par le vent. Un rayon de soleil arriva fort à propos pour réchauffer nos seigneuries engourdies. L'île n'a qu'une maison et pas un arbre. C'est une prairie entourée de rochers. On taille la prairie à coups de pioche pour y bâtir un fort, et le bruit des marteaux a chassé de leur retraite les oiseaux de mer, mouettes, goélands et pétrels, qui venaient autrefois de génération en génération déposer là leurs œufs dans des nids de varechs desséchés et qui se réunissaient sur la pointe des rocs humides pendant la saison des amours. Nous avons couru les rochers pour les voir, ces heureux oiseaux qui volent dans l'air et nagent sur les flots, et c'est à peine si nous avons aperçu quelques pies de mer bigarrés et quelques sinistres courlis qui s'enfuyaient à notre approche. Nous nous sommes assis à l'abri d'un de ces quartiers de marbre ébréchés que l'océan polit chaque jour. Nous y sommes restés longtemps immobiles et sans parler, éperdus dans une de ces muettes adorations de la nature qui monte du cœur à la tête et engourdit si bien l'esprit qu'il s'absorbe en lui-même et ne peut plus penser. Ces spectacles-là restent toujours gravés et comme entaillés dans la mémoire. On peut perdre le souvenir de sa famille, de ses amours, de ses amitiés, on peut oublier ses malheurs et le nom de sa maîtresse, mais on n'oublie jamais qu'un jour, assis sur une grève, pendant que de grandes nuées sombres couraient dans le ciel et se pelotonnaient à l'horizon, on a vu la mer verte et profonde rebondir en perles blanches sur des rochers gris tout gluants de goémons. Nous avions vent arrière pour revenir, aussi notre canot fendait la vague et bruissait en coupant l'eau. Dès que nous fûmes descendus à terre, nous partîmes, oubliant que M. le maire nous attendait pour faire une promenade. Nous marchons sur le bord de la mer, tantôt gravissant la falaise et tantôt enfonçant nos pieds dans le sable émaillé de coquillages. Nous sommes seuls, l'océan s'est calmé, et il s'étend sous le soleil sans vaisseau ni voile. De l'autre côté, des landes désertes et déshabitées remontent jusqu'à de lointains bouquets d'arbres qui nous ferment l'horizon. Parfois, la falaise s'éventre sous nos pieds et nous étale ses fortes entrailles de rochers noirs verdis par la mousse. À l'abri d'un de ces talus de terre et de gazon que les douaniers élèvent pour se garantir du vent pendant les après-midi d'hiver, nous apercevons un homme, à demi couché, faisant sécher ses pieds nus au soleil. Nous lui demandons notre route. Il se lève, appuyé sur son bâton et maintenant le bissac desséché qui pend sur ses épaules. Nous remarquons alors qu'il est estropié. Sa main violacée et séchée touche à son poignet et se replie avec ses doigts crochus. Hier, nous dit-il, il était à Guérande, et ce soir, il espère trouver un gîte dans la grange de quelque métairie. Mendiant et vagabond, couchant aujourd'hui à la belle étoile et vivant d'une aumône, demain dormant sur le fumier et mangeant d'un vol, il était bien là, à sa place fatale et naturelle, sur les roches ardues, en vue de la mer immense, au milieu des ajoncs, parmi les champs meubles. Après qu'il nous eut montré notre route et qu'il nous eut remercié des quelques sous que nous lui donnâmes, il se recoucha sur l'herbe et nous suivit longtemps du regard, comme enviant notre bourse, notre jeunesse et notre vie. Et bientôt après, nous quittons la côte et nous marchons vers la terre. La route, à travers des palus sévèrement surveillés, nous mène jusqu'à une petite futaie de chênes qui abrite de vieux bâtiments demi-renversés convertis en fermes. Sur le linteau écaillé d'une porte, une gerbe de seigle sauvage avait poussé ses vigoureux épis qui montaient jusqu'aux fenêtres à croisillons de pierre surmontées d'une croix sculptée. Un chien jappait dans un coin. Des poules picoraient une motte de fumier et sous le porche, deux bœufs attelés d'un chariot s'émouchaient avec leurs queues flexibles, tandis qu'accroupi au fond de la charrette, un marmot de 2 ans, barbouillé de crottes et frisé de cheveux longs, nous regardait avec ses grands yeux bleus étonnés. Le petit bois allongeait sur tout cela des ombres profondes qui coupaient la lumière par lignes capricieuses et imprévues, et une aubépine, accrochée à un pan de mur jeté bas, étalait orgueilleusement ses blanches fleurs. Nous quittâmes à regret ce doux paysage oublié au milieu de la monotonie de la campagne et nous fîmes notre entrée à Mesquer, comme 5 heures sonnaient à l'église du village. Nous étions affamés, nous voulions dîner immédiatement, mais Madame Joffelet, notre hôtesse, petite vieille demi-folle, bourgeonneuse et têtue, s'y opposa et nous déclara net que nous n'aurions à manger que lorsque son pensionnaire serait rentré. Or, le pensionnaire ne revint qu'à 6h30, et nous fûmes alors prévenus que la table nous attendait. Nous entrâmes dans une grande chambre meublée d'un lit blanc, de quelques sièges de paille et d'une commode. Aux murailles, à côté de lithographies représentant des saints et des vierges, pendaient un flageolet et 2 cordes-chasse. Dans un coin, une contrebasse, avec son archet, passait sur le ventre, reposait sur 2 chaises rapprochées. Le couvert était mis. Une soupière à fleurs jaunes fumait et couvrait de vapeur sa cuillère d'étain. Le pensionnaire se tenait debout, prêt à nous recevoir et à nous faire les honneurs de son logement, car nous étions chez lui. C'était un blond jeune homme à cheveux rares, à allure timide, à façons embarrassées, boutonné jusqu'à la cravate dans un vieil habit noir, trop étroit, engainé dans un pantalon à raies et chaussé de bottes épaisses et pointues. Employé dans les douanes, il passe là son existence, dans ce triste hameau où se trouve à peine le nécessaire de la vie la moins besogneuse. Le dimanche, sans doute, quand il ne boit pas avec quelques gros bonnets du pays, il souffle dans son flageolet, il chante des romances, il rappe une contrebasse. Le jour, tout en surveillant le travail de ses douaniers, tout en comptant ses sacs de sel et en marchant parmi les marais, il espère que la Providence poussera vers son auberge quelques voyageurs fatigués qui dînera dans sa chambre, mangera à sa table et causera avec lui. Quelquefois, dans l'hiver, quand il y a un bal à Guérande, on l'invite pour qu'il y joue de la contrebasse. Alors il part, traînant avec lui son instrument, n'oubliant pas de mettre son flageolet dans sa poche afin de se rendre utile et d'être prié pour une autre soirée. Il regarde tristement les jeunes filles que sa musique fait danser. Il voudrait être leur cavalier qui disent si bien de jolis mots, à double entente, en riant d'un bon gros rire épais. Il se gorge de sirop d'orgeat et de petits fours. Puis, quand le dernier quinquet s'est éteint, quand la dernière danseuse est partie, les pieds dans ses chaussons et les épaules dans son tartan croisé, il s'en va, léchant encore ses lèvres du régal auquel il a été convié. Il revient dans sa pauvre chambre d'auberge. Il raconte à tous ceux qui veulent l'entendre le récit des plaisirs dont il a joui. Et pendant de longs mois, il vit sur le souvenir du bal passé et dans l'espérance, souvent trompeuse, du bal futur. Quelquefois, ses vœux vont plus loin. Il pense à Nantes, la grande et heureuse ville, qui a des filles, des promenades, des théâtres et des cafés, où on joue aux dominos. Non pas qu'il fréquente ces demoiselles, mais il aime aller voir passer le soir à la clarté douteuse du gaz, quand elles marchent en remuant les hanches et en chantant tout bas quelques refrains d'amour. Il sait à plusieurs lieues à la ronde toutes les jolies paysannes du canton. Il en a même aimé une, mais elle s'est mariée et ne le salue plus. Quand on lui parle de Paris, il ne dit rien. Ce seul nom l'écrase et l'aplatit. Il voudrait être son chef qui est à Nantes, son sous-chef qui est à Guérande, son inspecteur qui est partout. Il voudrait être tous ceux qui ne sont pas à Mesquer. Il se couche à 9 heures et se lève à 8. Il espère tuer le temps par le sommeil et l'ennui par l'engourdissement. Enfin, il méprise profondément son hôtesse qui se bat avec son mari. Et cependant, après son dîner, il descend s'asseoir devant sa porte afin de causer avec elle. Il nous regarde avec envie, car nous avons le bien suprême qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaîtra jamais, la liberté. Nous avons été pour ce pauvre diable une diversion, un événement dont il se souviendra longtemps. Nous passâmes la soirée, assises à sa table, fumant, devisant et buvant du grog. Aussi le lendemain matin, lorsque nous partîmes et qu'il nous dit adieu, il jalousa notre sort, il eût voulu venir avec nous, quitte à porter nos 2 sacs et à tomber de fatigue sur la route. Et cependant, la route n'était pas belle. Elle s'allongeait indéfiniment sous nos pas à travers des palus et des landes. Aussi, en approchant d'Asserac, nous montâmes dans une charrette qui passait et nous nous assîmes sur la paille en jouissant de l'immobilité de nos jambes. L'homme qui nous recueillait ainsi n'était autre que l'aubergiste d'Herbignac. Nous descendîmes naturellement chez lui, et pendant qu'on préparait un déjeuner, nous allâmes visiter le château de Ramonnet, qui jadis fut fief seigneurial des maisons des Donges et de Rieux. Ce n'est plus même une ruine maintenant, c'est un amas de cailloux, sans grandeur et sans caractère. À part 1 ou 2 tourelles qui font encore certaines figures, nous ne vîmes qu'un inutile monceau de décombres baignés par des fossés où croupit une eau jaunâtre et lépreuse. La porte était fermée, le paysan qui la gardait travaillait au champ, nous ne voulûmes pas en avoir le démenti et nous grimpâmes de pierre en pierre jusqu'à une longue fenêtre étroite qui nous donna entrée en meurtrissant nos mains. L'intérieur est maintenant occupé par un paisible carré de choux qui ne se doute guère qu'il pousse là où jadis battaient du pied les chevaux piaffants harnachés pour la guerre. Une niche ogivale taillée quelque part indique l'emplacement de la chapelle. C'est tout ce qu'on peut distinguer. Après cela, il n'a plus que des quartiers de murs renversés et rongés par une mousse, sèche et grise. Au bout de notre escalade, quelques émouchés s'enfuyaient en glapissant, pendant que l'enfant qui nous avait servi de guide courait et bondissait à travers les débris pour dénicher des nids d'oiseaux. Nous revînmes à Herbignac, où nous déjeunâmes avec voracité, et lorsqu'après nous voulûmes partir, nous étions si honteusement gorgés de nourriture que, nous sentant incapables de mouvement, nous prîmes une carriole qui franchit en 1 heure les 2 lieues qui nous séparaient de la Roche-Bernard, où nous arrivâmes après avoir bruyamment digéré. La Roche-Bernard est une petite ville bossue et tortueuse, accroupie au bord de la Vilaine, dont les hautes falaises rugueuses et désolées se rébellent sans un pont suspendu qui les réunit et qui passe généralement pour une des curiosités du département. Malgré notre haine pour ces agencements incolores de fil de fer, nous allâmes le visiter en suivant un sentier qui serpente au-dessus de la rivière parmi les belles touffes d'or des ajoncs qui valent bien à elles seules tous les ponts aériens du monde. nous ne l'eûmes pas plutôt vu que nous fîmes retraite bien vite, nous vitupérant de notre sotte curiosité et recevant sur nos têtes, comme une expiation méritée, les effluves dévorants d'un soleil de feu. La ville n'est pas longue à voir, elle n'a rien de curieux, ni vieille halle, ni église, ni costume, ni promenade, ni ruine, ni rocher, ni donzelle. Il faudrait la retrancher de la carte de France si elle n'avait pas le père Poulman. Cependant, le père Poulman n'est qu'un simple aubergiste qui ne sait pas lire. Haut de 6 pieds, large et carré des épaules, décoré comme un ancien tambour-major, franc, bonhomme, doux comme les géants, il nous plut et nous restâmes volontiers à causer avec lui. Il nous parla de M. de Balzac, qui avait habité chez lui, et qui, nous disait-il, le faisait monter le soir dans sa chambre pour lui tirer les vers du nez. Seul de tous les gens que nous rencontrâmes en voyage, il ne se trompa pas sur notre compte. Partout, on nous prenait pour des peintres, des ingénieurs, des géomètres. Lui seul nous déclara gens de plume à première inspection, et cela fait honneur à son coup d'œil. Il mène sa maison militairement, tout y est propre et bien tenu. Ses domestiques l'appellent Monsieur le Major et obéissent à ses moindres signes. Sa femme est une grande paysanne qui lui parle avec respect et mange à la cuisine, tandis qu'il dîne à table d'hôte. Et ce n'est pas par forfanterie qu'il siège à si noble place, le pauvre homme. C'est par devoir. Il faut qu'il préside ses voyageurs et qu'il s'assure que rien ne leur manque. Quoique, naturellement, par sentiment de supériorité, il tienne sa femme à respectueuse distance, il aimerait mieux, j'en suis certain, dîner à côté des fourneaux, sur la grande table de la marmitonnerie, les manches retroussées, sans cravate, éruptance, crépitant secoué, si besoin en est, car avant tout, le père Poulman est un homme du plus aimable laisser-aller. Et puis, ce soir-là, tout se réunissait pour nous rendre indulgents. À nos côtés s'élevait sur une chaise un homme troué de petites véroles, grisonnant, crépu, taciturne et féroce. Il mangeait avec vivacité, il se ruait sur tous les plats, comblait son assiette et entassait sérieusement au-dedans de lui-même le plus de choses qu'il pouvait, et il en pouvait beaucoup. Quand il fut repu, il prit sa canne, son chapeau et sortit. Nous demandâmes au père Poulman quel était cet omnivore indomptable. Il répondit que c'était un Montmorency. Dieu soit en aide au premier glouton chrétien. Donc nous aimions le père Poulman pour lui-même. Nous lui étions reconnaissants de la présence du vieux Montmorency, et enfin nous étions poussés vers lui parce qu'il était le frère de Poulman que la cour d'assises jugea à propos de faire décapiter, parce qu'il avait eu la fantaisie d'assommer à coups de barre de fer un aubergiste de Nangy. Dans la perpétration de son crime, comme disent les réquisitoires et dans les débats, Poulman avait déployé une énergie sauvage et superbe qui nous avait charmés jadis et dont nous recherchions la trace chez son frère. Et puis, nous estimons si épouvantablement bête de tuer un homme parce qu'il en a tué un autre que nous nous sentons toujours portés d'affection et d'intérêt pour les pauvres diables que la justice des hommes envoie devant la justice divine après leur avoir coupé la tête. Au reste, ils trouvent sans doute grâce au ciel, car Dieu doit comprendre les lois saintes, justes, immortelles, imprescriptibles de la fantaisie, lui qui a parfois des fantaisies ruineuses à l'égard de l'espèce humaine, ne serait-ce que le choléra, le mauvais vin, le rhume de cerveau et la vérole. Cependant, comme nous ne pouvions pas toujours causer au père Poulman, nous allâmes nous coucher le lendemain d'assez grand matin, nous montions dans un omnibus que nous avions loué pour nous seuls et qui devait nous conduire à Vannes. Nous nous arrêtâmes quelques instants au bourg de Musillac pour laisser souffler nos chevaux et nous reprîmes notre route. Elle traverse des landes désertes et quelques champs cultivés, quelques rares bouquets d'arbres, et s'allonge pendant 5 ou 6 lieues sans rencontrer d'autre habitation qu'une petite maison gracieuse et isolée, couchée au fond d'une prairie rafraîchie d'un étang et encadrée de peupliers. Nous devions repasser par Vannes, aussi nous ne restâmes que le temps nécessaire pour déjeuner et nous repartîmes immédiatement. Après 2 heures et demie d'un chemin sans intérêt et franchi dans une cahotante carriole, nous arrivâmes à Sarzeau, qui est une bourgade comme toutes les bourgades possibles. À 1/2 lieue s'élève le château de Sucigneau. Nous nous y rendîmes par un large sentier qui passe parfois sous des hêtres charmants dont les grappes brillent et s'agitent au-dessus de nos têtes. Seul dans la campagne, en vue de la mer, ce vieux manoir a conservé ses tours percées de meurtrières, sa courtine éventrée d'une baie ogivale et ses douves où foisonnent les hautes herbes. Les deux tours qui défendaient l'entrée principale sont encore debout, écaillées par le temps, creusées par les lichens, elles se couronnent d'un diadème de mâchicoulis exhaussé sur un parapet dont les modillons rappellent le style rapporté des croisades. Derrière leurs sommets lézardés apparaissent les vastes triangles de trois grands pignons dont la toiture s'est écroulée et qui semblent de loin, avec les étroits tuyaux de cheminée qui les prolongent, comme la construction fantastique d'une architecture oubliée. Sous le ciel bleu et le soleil ardent, cette ruine isolée dans les champs a une tournure orientale et superbe. Nous entrâmes. L'herbe pousse partout. Les chambres s'encombrent de débris. Les plafonds, les escaliers ont disparu. Les bâtiments ont encore une forme extérieure. Ils sont debout, mais vides, comme un os dont un chien a sucé la moelle. Dans la tour qui protégeait le côté gauche du pont-levis, nous avisâmes, à 20 pieds au-dessus du sol, une salle qui paraissait presque complète. Nul escalier n'y conduisait. Tant bien que mal, je grimpais parmi les pierres, entrant mes pieds dans les fentes du mur et m'accrochant aux touffes des plantes sauvages, j'arrivais à l'ancienne chapelle. Un sépulcre bâille dans un coin. La voûte s'appuie sur les nervures d'une ogive élégante. Un bénitier brisé rebondit sur un pilier en face de l'autel et une belle fenêtre, dont l'arcade trilobée repose sur de fines colonnettes, laisse pénétrer à plein flot la chaleur et la lumière. Sans doute, jadis, elle avait de beaux vitraux de couleur qui s'encadraient dans des baguettes de plomb et répandaient leurs jours sensuels et douteux sur les hauts barons et les nobles dames agenouillées. Quand nous eûmes visité les appartements détruits, et parcouru le chemin de ronde qui longeait les remparts, et lentement admiré le paysage qui commence à l'horizon de la mer, remonte sur la grève, ondule à travers les champs de blé, ondoie sous les arbres de sarzeau, brille sur le golfe du Morbihan taché de ses îles, et s'arrête enfin aux côtes bleuâtres de Vannes et d'Arradon, nous allâmes nous asseoir dans la cour à l'ombre d'un pan de muraille écroulé. C'est un grand préau carré, entouré sur chacune de ses faces par la ruine dont les formes vues ainsi se comprennent et se construisent facilement dans la pensée. C'était plutôt un château de plaisance qu'une forteresse. Le nom que lui donna son fondateur, Jean le Roux, quand il le fit bâtir en 1260, l'indique assez. Souci ni hôte veut dire sans souci. Ce fut là que le 24 août 1393 naquit Arthur de Bretagne, comte de Richemont et connétable de France, qui usa sa vie à la haine qu'il avait amassée contre les Anglais pendant 7 ans de captivité après la bataille d'Azincourt, tant et si bien qu'au lieu de la moitié de la France qu'il possédait, lorsqu'il fut nommé connétable, 13 mars 1425, il ne leur restait plus que la ville de Calais lorsqu'il mourut en 1458. Il est juste de dire que Jeanne d'Arc avait passé par là. Pendant que nous examinions la demeure d'où, après la mort de son père Jean IV, il sortit, si petit encore qu'il ne pouvait guère chevaucher, un troupeau avait pénétré sous la voûte de la grande porte. Il venait d'entrer dans la cour. Deux brebis se mirent à brouter l'herbe verte et courte, sans s'inquiéter de nous, tandis que les taureaux, levant la tête, nous regardaient curieusement avec leurs grands yeux mélancoliques et doux. Ils marchèrent lentement de notre côté, s'arrêtèrent, firent encore quelques pas, et bientôt ils nous entourèrent en nous flairant avec crainte. Leur instinct leur dit sans doute que nous étions des amis, car ils léchaient de leur langue râpeuse nos souliers enduits de graisse, et puis ils se répandirent autour de nous en paissant paisiblement. Deux ou trois chèvres noires et barbues, méprisant les moutons et les taureaux, avaient hardiment escaladé les murailles, et, suspendues à quelques pierres croulantes, mâchaient à belles dents les plantes parasites échevelées sur la ruine. J'aime les chèvres. Au milieu de la civilisation qui a dénaturé les animaux, elles sont restées volontaires, sauvages, cherchant la pâture où bon leur semble et dédaignant les voies frayées. Bondissantes et vagabondes, leurs pieds sûrs et prêts pour toutes les surprises, leur front armé pour tous les combats. Aussi, quoi qu'on puisse dire, je comprends les filles de Mendès qui se faisaient saillir par des boucs, et je ne blâme pas le goût des bergers calabrais. Nous quittâmes enfin ce lieu triste et calme, qui étalait ses contrastes entre ses tours démantelées et ses tranquilles animaux, et nous regagnâmes notre gîte à travers champs, franchissant les haies, sautant les fossés et passant dans les grandes herbes qui fouettaient nos têtes. Le lendemain, avant de reprendre notre route et nos sacs, nous allâmes faire un pèlerinage à une des maisons de Sarzeau. C'était une pauvre maison noircie par le temps, construite dans un coin de la place qui entoure l'église, percée de trois fenêtres inégales et d'une porte ronde appuyée sur deux marches. Un tas de fumier est couché à ses pieds, et son toit en ardoise soutient une croisée surmontée d'un pinacle historié. C'est là que le 8 mai 1668 naquit un enfant qui depuis fut maître René le Sage. C'est là, dans cette rue boueuse où les matelots vendent du poisson, qu'il a traîné ses premiers pas et bégayé ses premiers cris. C'est là peut-être que plus tard, il s'est sans doute emporté vers les rayonnants pays de Castille et d'Estramadour. Il n'y a pas là, à cette même place où il fut donné au monde, une statue haute de 100 coudées élevée à l'homme dont la poitrine était si large qu'il a créé Gil Blas d'une seule haleine. Au reste, Montaigne non plus n'a pas sa statue, ni Ronsard, ni Rabelais, ni tant d'autres. Ils en érigent à tout le monde cependant, à des intendants de province, comme à Bordeaux, à des marins, comme à Dieppe, à des faiseurs d'opéra comique, comme à Rouen, à des princes défunts, comme à Paris, à des généraux, comme partout, mais ils ne sauraient en bâtir pour ces triomphantes figures qui ont illuminé tout un siècle du reflet de leur face. Et, mon Dieu, pourquoi se plaindre et tant déplorer? N'avons-nous pas vu de nos jours, à notre époque, nous qui avons crié contre Ducy parce qu'il avait châtré Shakespeare, contre Andrieux parce qu'il avait raboté Corneille, n'avons-nous pas vu un cul-de-jatte littéraire écrire feuilleton par feuilleton, nausée par nausée, un livre qu'il a osé appeler le Gil Blas du XIXe siècle et que quelqu'un ne s'est pas rencontré qui ait pris ce drôle vertement aux oreilles et l'ait publiquement souffleté avec Gil Blas et Turcaret? Oh, monsieur, parce que vous êtes eunuque, ce n'est pas une raison de vous attribuer les bonnes fortunes des autres. Allez, montez-vous la tête, prenez de l'ambre gris et des cantharides, jamais vous n'arriverez à violer l'inviolable dame littérature que le sage, Randimère, avec tant de sérénité. Barbouillez-vous de livres sur les questions sociales et humanitaires et politiques, puisque vous ne respectez pas la pudeur sacrée du papier blanc. Mais, pour Dieu, laissez nos géants dormir en paix dans leurs tombeaux et dans leur gloire, et ne venez pas, comme le petit Pousset, leur voler leurs bottes qui sont trop larges pour vous. Nous dîmes adieu à cette pauvre maison qui a oublié celui qu'elle a vu naître. Nous prîmes nos bâtons et nous marchâmes vers la mer. C'était un dimanche, et nous rencontrions à chaque pas des paysans abrités sous leurs vastes chapeaux et des paysannes avec leurs bavolets noirs et leurs tabliers en soie gorge de pigeon. Bientôt nous arrivâmes à Laugeau, petit port arrondi autour d'une anse de sable jaune. C'est à grand-peine que nous obtînmes à déjeuner. Les portes se fermaient devant nous, et sans une omelette au lard que nous fit largement payer un charitable aubergiste, nous nous serions embarqués l'estomac creux et l'appétit aux dents. Nous fîmes prix, et prix fort élevé, avec deux matelots pour nos courses de la journée, et aussitôt que notre repas fut terminé, nous allumâmes nos pipes et nous montâmes en canot. Nous avons vu dans notre vie bien des bourgeois, bien des négociants, bien des notaires, bien des députés, bien des généraux de l'Empire et bien des professeurs de sixième. Nous avons assisté à des comédies de M. Scribe, à des drames de M. Dennery, à des vaudevilles de M. Marin. Nous avons lu les feuilletons d'Albert Aubert, les Incas de Marmontel. Nous avons entendu les discours de M. Odilon Barrault et nous avons causé avec M. Le Verrier. Mais jamais nous n'avons rencontré une bêtise aussi ennuyeuse, aussi impossible, aussi monstrueuse, aussi tenace, aussi têtue, aussi désespérante, aussi épouvantablement malfaisante que celle des deux marins qui nous conduisaient. C'était un beau-père et son gendre. Le gendre était-il plus bête que le beau-père ou le beau-père que le gendre? C'est ce que je n'ai encore pu définir. Nos courses sur mer, que nous nous étions promises si charmantes, furent empoisonnées par la présence et le bavardage de ces deux animaux. Cependant, nous abordâmes à Ars, langue de terre sèche et inculte, ceinte de tous côtés par la mer. Nous traversâmes les ruelles d'un village mal bâti et nous arrivâmes à l'église où toute la population rassemblée écoutait la parole d'un prêtre qui prêchait en breton. En sortant, nous passons au milieu d'un cimetière parmi des tombes plates à la tête desquelles un petit pot de fleurs s'abrite sous une ardoise dans la crainte du vent. Un ossuaire à moitié plein de crânes, de planches, de cercles, de tonneaux et d'ossements s'ouvre dans un coin. À côté, nous lisons cette courte phrase sur le tombeau d'un enfant. « Mon Dieu, n'aviez-vous pas assez d'anges au ciel ?» Quand nous eûmes regagné notre barque, le vent nous poussa rapidement jusqu'à l'île aux moines, que nous enjambâmes en un quart d'heure et où nous ne trouvâmes rien qu'une rage violente contre la lenteur et la maladresse de nos matelots. Ils nous rejoignirent enfin. Nous courûmes, bordée sur bordée, pendant près de 2 heures, et nous atteignîmes enfin, malgré vent, marin et marée, l'île de Gavijunis, ou Gavriunis. Le flot nous poussa jusqu'au milieu des rochers, au pied desquels a germé une puissante végétation sous-marine. De grandes plantes s'épanouissent à la surface de l'eau, comme la chevelure verte des Néréides. Au fond, les mousses, les varechs et les lianes crêplées des goémons ondoient à chaque mouvement de la vague. Toutes ces herbes tiendraient dans nos deux mains, et cependant elles nous font penser à la nature antédiluvienne, lorsque la terre n'était que forêt et que les fougères avaient 100 pieds de haut. Nous sautâmes à terre et nous gagnâmes l'entrée du Galgal que nous venions visiter. C'est une véritable montagne de cailloux qui s'affaisse circulairement à son sommet et se creuse d'une cavité profonde en forme de cône renversé. Il y a quelques années, on y pratiqua des fouilles, et on découvrit une magnifique allée souterraine, sorte de dolmen irrégulier formé de pierres énormes. Une d'elles est taillée, à son milieu, de 2 demi-cercles, creusés à jour comme les courroies d'un bouclier. Les autres sont revêtues sur toute leur étendue de dessins hiéroglyphiques et indéchiffrables que rappellent les tatouages des habitants de la Nouvelle-Zélande. On s'est perdu en conjectures sur le sens de ces signes mystérieux. On l'a expliqué en admettant une reproduction intentionnelle des fougères et du gui, plantes sacrées des druides. On a prétendu que ces lignes lumineuses tendaient à représenter le serpent Python. On a dit que l'entrecroisement des dessins symbolisait le cours des astres. Enfin, chacun a donné son avis, et on est toujours au même point, à l'ignorance absolue. Ce dolmen passe pour le plus beau qui existe, et malgré notre celtophobie, nous l'admirons consciencieusement. Mais ce que nous trouvâmes bien plus beau encore, c'est un genêt qui a poussé ses tenaces racines entre les pierres et qui secoue ses crabes d'or au-dessus du souterrain. Le courant qui passe au pied de l'île nous emporta rapidement et nous arrivâmes à Lochmariaker, qui est un amas de maisons assez proprement alignées derrière les quais du port. Nous allâmes immédiatement parcourir les environs qui ont de grands champs de blé et une quantité désastreuse de champs celtiques. Le plus grand poulevent de Morbihan est là, mais couché par terre et brisé en 3 morceaux. Non loin, dans une cour de ferme, derrière des bottes de paille et des charrettes, un dolmen s'imbrite sous un noyer et porte, fixé à ses flancs, une boîte en bois qui est un tronc pour les pauvres, puis, tout autour et partout, des menhirs, des lycavennes, des allées couvertes, enfin un spécimen pompeux de l'archéologie druidique, un exemplaire plus ou moins bien conservé de chacun de ses ouvrages. Au milieu de cette armée de pierres s'épanouissent de belles digitales pourprées qui ouvrent au soleil leurs calices roses, tigré de taches noires. Le lendemain, nous partîmes l'estomac plein et le cœur léger, comme il convient à de gais compagnons. 2 lieues, nous avait-on dit, nous séparaient de Carnac. 2 lieues, et nous marchâmes pendant 5 heures. Au reste, nous ne nous plaignîmes pas, car la route était belle, rarement elle perdait la mer de vue. Elle serpentait au milieu des landes et des rochers, passant auprès des moulins, franchissant des ponts de bois, enjambant les ruisseaux et côtoyant les grèves. En arrivant auprès de Gac, elle nous fit gravir la pente d'un coteau frissonnant sous les ajoncs, les bruyères et les genêts. À ses pieds s'arrondissait un petit bras de mer dont les rives basses et rapprochées se pommelaient d'arbres touffus, s'éclairaient et s'assombrissaient sous la lumière du soleil. L'eau était bleue comme le ciel, et quelques mouettes blanches volaient silencieusement au-dessus de nos têtes. Là, nous prîmes un bateau qui nous jeta sur l'autre bord. Nous perdîmes notre sentier, nous le retrouvâmes, et enfin nous aperçûmes le haut clocher de Carnac qui nous attendait à l'horizon. Avant de l'atteindre, nous escaladâmes un tumulus qu'on a condamné à porter une chapelle dédiée à Saint-Michel, et nous regardâmes. Derrière nous, des landes et des sinuosités du golfe qui mord la terre et la découpe comme un jeu de patience. À droite, de longues plaines tachées d'arbres et de villages remontent jusqu'aux montagnes dorées à gauche, les prairies de la mer, en face de nous, Carnac, avec ses alignements celtiques, Quiberon, étroit et sablonneux, puis l'océan, et tout au fond, dans la lumière, Belle-Île, couchée sur les flots comme un grand monstre de pourpre et d'azur. Maxime Ducamp. Ici se termine, par les champs et par les grèves, un voyage en Bretagne, de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp, chapitre 1 à chapitre 4, enregistré par Christiane Johanne.